trompette chez lui. Bani Makate, le loba dini. Tchatsumba la Kashogi. Gazul Zulman, c'est maman Bouchigal. Pe papa Ogi na Bruxelles. Artin Kakoum. Approche pemeni pwe ba vraiment ngé na ye mbape kisaki ngana yo soit disant sa limonté mais na vani na pemeni na moni solo le contraire tato mala kacho die vraiment le monde méchant calypso de bundes darling kasima elombe. Mana yutuku zala ini tala kale loyo mana yo ini song mawa wazi jama tona musika ezali mabe approche pembeni pwe ba vraiment ndenge na ye. Si Jacques Boutou n'est capable, ma moto, ma camarade, babena qui file la balade. Yo kani mote ma tovani na yo nga la komi moto. Yo kani mote ma nga na reprendre kouya la vie. La éminence de Motu au pas pour être contredit un jour. Jean Mokila, papa Bonengo. Mandi makite vraiment ngana yutu kuzala yumi talaka lelo yo ngana yo iniso jenga kabunga. Jean Koutoumala, il est père de Nami. Jean-Jacques Lefouma et Luna Chano. Maman Jan, Sabu Makembo, Mouvali Akati, Yvon Lemba, Balette, Solange Sassamire, Selma Magali, Jean-Paul Ndambé, Pétrole, Michel Omeonga, Yannick Nkoyi, Patti Moubengaye, Jean-Claude, Machiro, Didier Omeyonga. Huka, huka, huka. Bato ya mokili, mite mamade. Le monde est méchant, mite mamade. Moto bomoni ezoli na ena pasi. Tacho azimo solo na ena pasi. J'en suis ma tête, y'a moué par la maillot, j'allais parrain. Y'a moué par la maillot, j'allais papa. Y'a moué par la maillot, j'allais phénomène, tchatcho. Et bien par la maillot, j'allais. Moïse sauvé, y'a des liquides à l'aïe. Moïse sauvé, opéra Pascal et Popa. Moïse sauvé, y'a Richard Kinsalaï. Moïse sauvé. Oh, Jano, Jano, Jano, Yahweh Paramayo, Zali Parrain. Moïse sauvé. Bijou Massamba, Yeye, Yeye. Moïse sauvé.